franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima Sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Où nous emmènes-tu aujourd'hui, Philippe ? Eh bien, Serventi, Sivem, Querna, Corona d'Atour. C'est la devise de Chartres où nous allons aujourd'hui et qui signifie à celui qui sauve un citoyen et donner une couronne de chêne. Mmh. Bienvenue, Anne-Laure. Bonjour, Philippe. Docteur. Bonjour, Margaret. Bonjour, Anne-Laure. Qu'est-ce qui vous amène par devers nous, chère, très chère Anne-Laure ? C'est un sujet qui est compliqué. Enfin. C'est compliqué d'en parler, c'est pour ça que j'appelle. Ouais, mais il va falloir en parler un jour, si vous voulez qu'on vous soit d'une quelconque utilité. c'est juste que c'est dur d'en parler. Et vous ne pensez pas, avant d'aller plus loin dans cette émission, que si vous trouvez ça dur d'en parler, c'est parce que vous ne trouvez pas les mots. Ben si. Mais oui. Alors là, est-ce que vous ne pensez pas que si c'est si dur que ça d'en parler, c'est parce qu'il vaut mieux peut-être ne pas en parler, et c'est la psychothérapeute qui vous le dit. Vous savez, rien n'est sans raison, et peut-être vaut-il mieux garder ce mystère comme votre jardin secret. Non, mais ça va, enfin, j'arrive à en parler maintenant. C'est juste que à chaque fois c'est un peu difficile, mais c'est important pour moi. Oui. Et est-ce que vous pensez que ça va être important pour nous ? C'est pas le but. Ah ben, quand même, il s'agirait d'intéresser nos centaines de milliers d'auditeurs. Oui, c'est vrai que ça fait du monde, c'est intimidant, c'est sûr que... Bon alors, puisque c'est si intéressant que ça, allez-y Anne-Laure. Oui, alors ? Quoi ? J'ai eu un enfant sans m'être rendu compte que j'étais enceinte. C'est impossible, madame. Oui, et c'est certainement pour ça que vous ne pouvez pas mettre de mots dessus. Ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs, puisque cela veut dire que vous n'êtes pas une menteuse compulsive. Pardon hein, pour ce petit charabia de psy. Si, ça m'est vraiment arrivé. J'ai fait ce qu'on appelle un déni de grossesse. Ah oui, non, mais ça c'est ce qu'on appelle une légende urbaine. Cela n'a jamais existé, et ça n'existera jamais. Et oui, c'est comme il y a des crocodiles géants dans les égouts, par exemple. Hein. Et oui, une femme sait toujours, hein, un mois après, quand elle est enceinte, les règles s'arrêtent obligatoirement, puisque l'ovule est fécondé, le ventre s'arrondit et les petits tétés deviennent de grosses gougouttes gorgées de lait qui pointent vers le ciel comme une invitation silencieuse à une explosion de vie tendue sous un chemisier, désormais trop petit. Pour contenir ses attributs trop gros pour être honnête. Non, dans mon cas, j'ai eu mes règles jusqu'à très tard. Mon ventre n'a quasiment pas grossi, mes seins. Vous êtes grosse ? Ben, je suis assez ronde à la base. Oui, et au niveau du tronc ? À la base, je veux dire au départ. D'accord, vous êtes grosse depuis toute petite. Je suis un peu ronde, c'est vrai que... De toute façon, je ne sais même pas pourquoi on discute, parce que ça n'est pas possible, madame. Mais mon petit dernier est né d'un déni de grossesse. J'étais à table et j'ai eu mal, très mal au ventre, et je me suis précipitée aux toilettes, et c'est là que j'ai senti que j'accouchais. Et mon mari m'a rejoint. Oui, ça n'existe pas, madame. Mais si, Non. Je vous dis que ça m'est arrivé. Il n'y a pas qu'à moi. Il y a même eu des cas connus et beaucoup plus dramatiques. Ah bon, quand ? Je ne sais pas, il y a 2 ou 3 ans... Mais vous, Margaret, vous êtes psy, vous savez que ça existe, le déni de grossesse. Le déni de grossesse. Écoutez, ça va bien maintenant, madame, puisque ma femme vous dit qu'elle ne se souvient de rien, voilà. C'est très connu. C'est reconnu maintenant comme un véritable syndrome par tout le monde. Rien n'a jamais été prouvé. Vous appelez pourquoi, en fait ? Parce par rapport à ce syndrome de déni de grossesse, je voulais savoir si ça pouvait se reproduire, sachant que pour mon premier enfant, j'ai une grossesse tout à fait normale. Eh bien, madame, je vais vous répondre, ça n'arrivera plus jamais. Vous êtes très catégorique. Vous préférez une praticienne dans le doute, Anne-Laure ? Non, mais qu'est-ce qui vous permet d'être sûre à 100% que je ne referai pas un déni de grossesse ? Mais tout simplement parce que ça n'existe pas, madame, et que quelque chose qui n'existe pas ne peut pas arriver. Voilà. J'en reviens pas. On dirait que c'est vous qui êtes dans le déni de ce syndrome, en fait. C'est pas mal, celle-là. La meilleure de l'année, comme disent nos ados. Alors, comme ça, c'est nous qui. D'accord, mais écoutez, si on va par là, c'est Margaret, pourquoi pas, qui fait un déni, hein, sans le savoir, et qui a mis nos bébés dans le congélateur, voilà. Mais pourquoi vous parlez de ça ? Des bébés dans le congélateur ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Eh ben, j'ai jamais parlé de ça. Écoutez, madame, je ne sais pas pourquoi mon mari s'amuserait à inventer que j'ai mis trois petites filles dans le congélateur. Trois petites filles dans le congélateur ? Oh, mais c'est horrible ! Pourquoi vous dites ça ? C'est vous qui venez de le dire, je ne l'ai pas inventé. Bon, d'accord, alors vous êtes soi-disant enceinte sans vous en rendre compte, et c'est vous qui savez mieux que moi ce que j'ai de caché dans mon congélateur. Oui, alors madame, premièrement, qui vous a donné notre numéro de téléphone ? Et deuxièmement, si c'est de l'argent que vous voulez, vous êtes mal tombée. Mais c'était tellement brouillé, du coup, je ne sais même plus de quoi on parlait. Oui, c'est important. D'ailleurs, attention, chers auditeurs, soyez précis et concis quand vous nous appelez, sinon on ne sait plus de quoi il retourne. Mmh. Voilà, et je vous rappelle également qu'il faut bien faire attention à ne jamais rompre la chaîne du froid, car cela peut laisser proliférer de dangereuses bactéries. Ah oui, alors règle de base, ne jamais recongeler un produit décongelé. Merci Yann Chouquet et son sang-froid pour avoir mis en onde cette émission. Merci à tous, au revoir. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.